Mes amis, changez métier, changez métier. Pour raconter nos bagages qui passent. C'est vérité, c'est pas menti. Parce que toujours dit, oh oui, c'est coupé, t'as plein de foncer et de bagailles. Mais je dis à une bonne vérité, hein, faut être capable de t'en dire. Et bien c'est ton camarade qui est le Marcel. Mais si à vivre, par contre, ça passe le ciel. Il vient de barrer avec mon fille. Et puis il dit fille à l'emmen. Non, parlez, fille à mener M. Lakaïli. Délivre la Kaïli, il fait connaissance avec maman fille. Il fait connaissance avec papa fille. L'aime tout ça, faut pas plus. Il vit dans la Kaïla. Depuis là, c'est chaque soir, c'est Vichita Kafia. C'est pointi bouche, mettre en bouche fille pour la braler, tu la scraoul. Vous comprenez-moi? C'est mettre plein petit bouton radio, à chercher petit poste caso, petit poste rebelle. Vous comprenez-moi? Et puis, ça me descend, petit menu, à dactylographier. Oui, oui, oui. Mais, quand il me chante, à son cas, il cante, c'est pas qu'on a qui condition là. C'est qu'on est pas qu'on a fait le fou école là. Mais, là, je suis venu la fille, il n'y a pas jamais qu'il dans la chambre. C'est toujours salon avec galerie. Et puis, je suis tellement venu habitué ensemble. Je suis venu à une alliance avec nous dans la gala. Je suis apporté, je suis dedans. Et bonjour, je suis dedans. La passé, et puis il voit les yeux dans la tête, bonne fille. Il ouais, y a un ouzi coqué. Il y a des boys ici, y a un fusil Spenfield. Il y a des autres boys, y a un 45. Il y a des notre tête maintenant, mais l'on gros coco maca qui coque notre tête maintenant. Oui, ah, monsieur Finot qui est dans le là, monsieur Bagadi, rien. C'est G, ouais, bouche P. Monsieur Boula, fille, boule, boule. Boule, boule, boule avec fille dans le oh, oh, bonjour. Ça vient de passer, monsieur. Vous connaissez? Bon bagaille, femme toujours fait. Par exemple, elle est bon pour elle est mariée, elle est bon pour moi. Elle est toujours bon bagaille, elle fait comme ça. Elle est toujours un petit bout de charme. Bagaille, ça, on est pas un petit bout de charme. Mais moi-même, changer non. Je vais aller le bout de charme. Il aurait ça, tu voudras. Tu voudras. Il peut être fièrement allé avec tu voudras. Donc, comme elle a vu petit cap, il n'a pas acheté, il n'a pas connu encore. Il vit une ouette à tête. Comment les gars là sont calcantés, je ne sais pas comme ça. Je ne sais pas connaître si fille à tes fillettes là. Si tes premiers sergents me disent ça, il n'y a pas de compte bagage ça. Si tes témoins Jéhovah, il n'y a pas de compte bagage ça. Ça vient de l'hyprenet. Oh, vivre avec fille. Bonjour dimanche, je viens manger gravia. Je viens bien manger, non bien manger. Et puis, pourquoi on est des bons noms, viens manger, bien manger. Moi tout plein correctement. Ouais, l'autre bagaille pour faire, pour confinement. Comment c'est rentré? Au bécaille. Monsieur rentré. Monsieur Conti bout de chemisette. 16e souli. Tu as conti bout de jipon, 3/8e souli. Et puis il a couché sous cabane. Il n'y a pas les causés. Il n'y a pas l'ancien qui de bagaille longtemps. Bagaille, allez, mais les vini. Bagaille ça yo. Par contre, ça finit passé. Mamselle font virer doual. Et puis Marcel fait ça le garder dash. Fia. Chérie, si ta jupe transparente, j'aperçois des moustaches. Oui, soit en déa. Cap Marcel prend vent. Marcel cap en l'air, cap il prend vent. Oui, oui. Non, pour l'autre moment, nous avons des Marcel qui fia. Chérie, en alpha. En alpha. En alpha. Oui. Fia, même des trois besoins bagaille là. Il a couché sous dos, ouvert ses lits, Marcel même barrette. Oui! Ch't'en zoukap. Oui! Oui! Maman, j'ai dit, regardez non, Marcel. Marcel, pas femme, soit femme, non. Pas femme, soit femme, pas permettre ou femme, soit femme, non. Descends, nous, carbone, non. Habillé ou, m'a arrêté ou, m'a sali ou, chérie, soit faire comme ça, soit faire comme ça. C'est ma rue, vous soit faire comme ça, c'est ma rue, vous soit faire comme ça. Madame Marcel dit détail, faut arrêter ou, descend qu'à bon habillé ou. Madame Marcel levé le point blé, le mettre sous lit, il prend cartouche, elle passe dans René, il prend fusil, le mettre en doli, il dit Marcel devant. Ouais, Marcel, même pour diable, il va aller, il va prendre qui ça tape tomber. il prend un piège, il va connaître. Les rives dans la caserne, commandant dit, oh, madame Marcel, qui peut vous mener pas là? Oui, commandant, pas de monde qui t'a pour faire parler de Marcel. Pour ça, Marcel fait un fond dans la place, moi, pour ta remarque là. Pas de monde qui t'a pour faire parler de Marcel. Comment, commandant, on a eu sous combat, est-ce que j'en connais? Eh, mon bagage, faut qu'on est bien. Civil pas, j'en connais prêt, pas chef. Dis civil, papa, chef prêt. Je vais vous déchouquer.